bonsoir. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des impacts du changement climatique sur la forêt tropicale. Donc ça, c'est le plan de mon exposé. Donc je vais vous parler un petit peu du changement climatique et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux forêts tropicales. Ensuite, on verra rapidement les effets du climat passé sur cette forêt, ce qu'on observe actuellement sur la forêt, et ensuite, quelles prévisions pour la Guyane. Voilà. Alors, si on regarde les prédictions des climatologues, donc ça c'est pour le siècle à venir, pour les températures et les précipitations. Ce qu'on voit, c'est que on attend une forte hausse des températures pour la Guyane et une diminution des précipitations, qui vont se traduire notamment par une augmentation l'intensité de la saison sèche. Et certains auteurs ont fait tourner l'ensemble des différents scénarios et ils ont montré que la probabilité de changement pour la Guyane était de 80%. Alors, ce changement, on est à peu près sûr qu'il va avoir un impact sur la forêt tropicale aujourd'hui. Et ce changement est dû, maintenant on le sait aussi, à l'augmentation du CO2 anthropique. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux forêts tropicales dans ce contexte? C'est parce que les forêts tropicales, elles sont liées à la concentration en CO2 atmosphérique par deux phénomènes principaux. Donc la déforestation qui renvoie du CO2 vers l'atmosphère et l'accumulation de CO2 par la photosynthèse, donc qui permet d'absorber le CO2 atmosphérique. Donc la forêt tropicale est un énorme stock de carbone terrestre, puisque c'est 40% du stock de carbone terrestre. Et aujourd'hui, on ne sait pas si cette forêt, donc si elle est un puits ou une source de carbone. Donc par puits, on entend que la forêt absorbe le CO2 atmosphérique et permet de limiter l'augmentation due à l'origine humaine, ou source de carbone, c'est-à-dire qu'elle émet conjointement aux émissions d'origine humaine, du CO2 dans l'atmosphère et participe donc au réchauffement climatique. Donc maintenant un petit peu le climat passé. Donc cette carte, elle représente les différences de température entre le dernier maximum glaciaire et aujourd'hui. Alors pour la comprendre, par exemple, là les zones en bleu en Europe, ça veut dire moins 10. La température moyenne au dernier maximum glaciaire en Europe était de moins 10 degrés en moyenne à celle d'aujourd'hui. Donc pour la Guyane, on voit que c'était plutôt de l'ordre de moins 2-3 degrés. Donc le climat était un peu plus frais et plus sec. Et ce qu'on sait pour cette période, c'est que l'Amazonie est restée boisée. Et par contre, on a observé des changements de composition des espèces. Et aussi, cette forêt donc, a fait office de forêt-refuge, c'est-à-dire que les espèces qui ont eu des conditions défavorables se sont déplacées vers des zones plus favorables. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des effets directs du climat sur la forêt qu'on observe aujourd'hui. Donc, je vais vous parler surtout de deux variables climatiques importantes pour la forêt, c'est-à-dire l'eau et la température. Et on sait que l'eau, notamment par le stress hydrique, l'intensité de la saison sèche, c'est un des facteurs les plus importants qui a un effet les plus importants sur la forêt. Et dans cette partie, je vais aussi vous parler de l'effet sur la dynamique de la forêt, notamment sur la mortalité des arbres, qui est le processus par lequel le CO2 retourne à l'atmosphère, et la croissance des arbres, qui est le processus par lequel la forêt absorbe le carbone atmosphérique.